Aristote, Irène Joliot-Curie, Jules César, Norbert Zongo, Chef Pontiac, Sabia Goksen, Platon, Alexandre Souvorov, Anne Frank, Jacha Radeau, Charles de Gaulle, Napoléon Bonaparte, Pacha Coutec, Razia Aldin, Nelson Mandela, Elisabeth II, Antonio Lopez de Santa Anna, Indira Gandhi, Joseph Staline, Winston Churchill, Joaquin Marquez Lisboa, Marie Curie, Benjamin Franklin, Karl Marx, Anne Boleyn, George Washington, Kamehameha, Jeanne d'Arc, Abraham Lincoln, Karl von Clausewitz, Angelica, Nicolas Machiavel. L'instant biographie de Léviathan. Partons à la découverte de grands personnages. Sabia Goksen. Née en 1913 et décédée en 2001, Sabia Goksen a été la première femme à devenir pilote de chasse. Des femmes l'ont précédée en tant que pilote militaire, comme Marie Marvin ou Evgenina Chakavoskaka, mais elle est la première à accéder au rang de pilote de chasse. Son histoire est particulièrement intéressante et c'est la raison pour laquelle nous allons nous plonger dans les détails de sa vie. Enfant, Sabia fut adoptée par un éminent personnage qui a façonné la Turquie moderne, Mustafa Kemal, devenu figure de proue du mouvement nationaliste turc après la Première Guerre mondiale. En 1923, Mustafa Kemal fonde la République turque et lance un grand projet de modernisation du pays, remplaçant la loi islamique par une loi basée sur le modèle suisse. C'est en 1925, à Bursa, que sa route croise celle de Sabia, une orpheline d'une douzaine d'années, dont les parents auraient été les victimes de la Première Guerre mondiale. Elle aurait alors demandé au président son assistance afin de poursuivre son éducation, son frère rencontrant des difficultés financières. C'est son audace qui aurait plu à Mustafa Kemal, qui décida de l'adopter. D'ailleurs, Mustafa Kemal adopta 8 enfants, dont Sabia. Son adoption ayant été acceptée par son frère, Sabia continue sa scolarité à Ankara, la nouvelle capitale sous Atatürk, et vit au palais présidentiel. Ses origines restent encore à ce jour contestées. L'histoire officielle, et soutenue par Sabia elle-même, lui prête des origines bosniaques. D'autres, plus contestataires, la relient au peuple arménien. La question de ses origines est devenue éminemment politique, ce qui ne fait que souligner l'importance du personnage. De la fille d'Atatürk, évidemment, mais aussi de la femme, symbole de la liberté des femmes turques. En 1934, Mustafa Kemal fait passer une loi permettant l'instauration de noms de famille à l'européenne. C'est ainsi qu'il choisit son propre nom, Atatürk, qui signifie « père des Turcs », et celui de Sabia, Goksen, qui signifie « originaire du ciel ». Elle qui n'avait pas encore d'ambition de devenir pilote, ce nom allait tracer son destin. L'année 1934 est également marquée par l'ouverture au droit de vote pour les femmes, la Turquie étant l'un des premiers pays à franchir le pas. Pour rappel, la France ne donna ce droit aux femmes qu'en 1944, soit 10 années plus tard. En 1935, alors que l'aviation avait été mise au rang de priorité nationale par Atatürk, Sabia avait assisté avec son père adoptif à une démonstration de vol qui allait déterminer le reste de sa carrière. Elle devint la première femme inscrite à l'école de l'air turc Turkusu. Petite anecdote, avant ce jour, l'armée n'ayant jamais eu de femme pilote, elle aurait été contrainte de porter un uniforme masculin et ce n'est que par l'intervention de son père adoptif qu'elle put porter un uniforme personnalisé. Elle fut envoyée quelque temps en Union soviétique pour renforcer sa formation, accompagnée de 7 autres pilotes turcs, tous des hommes. Son premier vol effectué en solo, en 1936, fut décrit dans la presse comme un symbole de la nouvelle liberté des femmes turques. Son père accepta, après quelques tests de sa volonté d'un style plutôt particulier, un pistolet sur sa tempe, qu'elle entre à l'Académie d'aviation militaire. Elle est donc devenue pilote de chasse et s'est illustrée au cours de plusieurs missions. Quelques-unes de ces missions ont ensuite fait polémique, notamment celle liée à l'obtention de la médaille de la Société de l'aviation turque, décernée pour un sacrifice fait au point de risquer sa propre vie, en 1937. Reçue pour l'opération Dersim et pour avoir bombardé des rebelles en fuite en provoquant de pertes sévères dans leur rang, Sabia est restée relativement silencieuse sur ce passage de sa vie, à part pour souligner la bravoure de ses camarades et la naissance de la première femme pilote de chasse, soit elle-même, dans ses mémoires. La région bombardée, peuplée majoritairement de Kurdes et de Alavis, était résistante à l'imposition du pouvoir étatique turc sur ses terres. Sabia a donc participé au bombardement d'une zone peuplée de civils et de nombreux enfants ont été tués lors de cette opération. En 1956, elle déclare dans une interview « Croyez-moi quand je vous dis que je ne supporterais pas de voir des enfants se faire massacrer. Mais si c'était pour mon pays, je n'hésiterais pas à les tuer aux côtés des hommes. » Ce jour où, en 1937, elle se voyait récompensée de la médaille pour son action très contestée de Dersim, elle rejoint Atatürk pour le bal de la République, en uniforme, sur la demande de son père. Atatürk demanda à sa fille qu'elle parle au chef d'état-major des armées, Fevzi Çakmak, au propos de l'implication des femmes dans l'armée. En effet, la place de Sabiha dans l'armée était un état de fait et aucune loi ne permettait aux femmes de s'engager. Atatürk, en faveur de l'inclusion des femmes, demanda donc à Sabiha d'intervenir auprès du général. Après un plaidoyer sur la place des femmes et l'importance que l'ouverture des armées représentait, le général refusa net toute ouverture de l'armée aux femmes et déclara « Pour qu'une nation existe, les femmes doivent vivre ». Gökçen dut attendre encore plusieurs années afin que les femmes soient légalement autorisées à intégrer l'armée. Personnage controversé, à la fois féministe qui n'en portait pas le nom et nationaliste, Gökçen est un personnage très intéressant. En 1938, Atatürk décéda d'une cirrhose, ce qui affecta beaucoup Sabiha Gökçen. Elle épousa, 2 ans plus tard, un major de l'armée de l'air qui décéda en 1943. Directrice de l'entraînement de l'école de l'air Turkusu et lieutenant de l'armée de l'air turque, elle entraîna 5 femmes pilotes au cours de sa carrière. Gökçen voulait participer à la guerre de Corée en 1950-1953 pour prendre une part à la défense du monde libre. Sa requête avait été acceptée par le président de l'époque, Celal Bayar, mais les Nations Unies n'autorisaient pas les femmes à s'engager dans les combats en première ligne. Refusant un rôle en arrière-poste, elle décida de ne pas aller en Corée. Retraitée en 1955 et retraitée de vol en 1964, Gökçen a piloté 22 types d'avions, volé plus de 8000 heures, dont 32 de combats actifs et de missions de bombardement. Elle écrivit ses mémoires en 1981, à l'occasion de la célébration de la naissance de Mustafa Kemal, 100 ans auparavant. En 2001, le 2e aéroport international d'Istanbul fut nommé en l'honneur de Sabiha Gökçen, qui décéda 2 mois plus tard, après l'ouverture de l'aéroport. En 2002, la Fédération aéronautique internationale crée la médaille Sabiha Gökçen, décernée aux femmes qui ont accompli des exploits remarquables dans les sports aériens. L'histoire de Sabiha Gökçen est donc celle d'une jeune fille qui a su forcer le destin en attirant l'attention du président Mustafa Kemal, et d'une femme qui, par son talent mais également par le soutien de son père adoptif, a pu inscrire son nom dans l'histoire en devenant la première femme pilote de chasse et le symbole d'une génération de femmes turques libres.